Bonjour et bienvenue chez Léviathan. Pour cet épisode, nous allons parler de la crise au Venezuela, des industries de défense françaises et européennes et de la crise diplomatique entre la France et l'Italie. Pour notre invité, nous accueillons Aurore Andreau, doctorante en droit international et humanitaire, qui va nous parler de terrorisme et de notions de combattants. Alors ce mois-ci, le sujet sexy de notre panel, c'est sans conteste le Venezuela. Et nous avons décidé de vous parler du Venezuela dans cet épisode, pas seulement parce que c'est le sujet sexy du moment, mais aussi parce qu'on a vu passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de fausses informations sur les réseaux sociaux par rapport à la question. L'objectif ici n'est pas de prendre côté par rapport à la question interne du pays. Nous ne sommes pas partisanes, ce n'est pas l'objectif de notre podcast, comme vous le savez, qui est plutôt d'analyser les sujets de façon très poussée. Donc notre but ici sera d'exposer la question avec des faits, sans rentrer dans la question juridique de la question et de la concession vénézuélienne, tout simplement parce que nous n'en sommes pas expertes, en les reportant aux relations internationales. Et puisque même si c'est une question interne, les conséquences internationales sont nombreuses, raison pour laquelle chaque pays a son mot à dire sur le sujet. Et nous allons aussi analyser la partie militaire en étudiant la place de l'armée dans le pays et dans les événements actuels. Donc, commençons par faire un rapide retour sur ce qui se passe dans le pays, outre le bras de fer entre Maduro et Guaido. En 2013, Hugo Chavez est mort et c'est Nicolas Maduro qui a pris sa place lorsqu'il a gagné les élections présidentielles. Tous les deux de gauche, il s'est présenté, et se présente toujours d'ailleurs, comme une sorte de successeur politique de Chavez, ayant travaillé de façon très proche avec lui et dans son gouvernement. Dès le début, il a été très anti-États-Unis, commençant même son mandat par expulsant des diplomates américains, en les accusant d'avoir interféré dans les élections présidentielles. Et puis, dès qu'il a été élu, certains problèmes économiques étaient visibles dans le pays, notamment la surdépendance à l'égard du pétrole. Le Venezuela profitait tellement du marché pétrolier que Chavez s'est basé sur les ventes futures pour augmenter la dette publique du pays, afin de pouvoir mettre en place plusieurs programmes en partant du principe que les ventes de pétrole allaient continuer de la même façon qu'elles l'étaient déjà. Donc en 2014, quand il y a eu un crash des prix pétroliers, il y a toute l'économie vénézuélienne qui a craché avec. Je sur-simplifie clairement les choses, mais on doit choisir sur quoi s'étaler, sinon on ferait des épisodes de 3 heures. S'ensuit une crise sans précédent, avec une pénurie de médicaments, de nourriture et d'autres produits de base. Les personnes vivent sous ration et il est estimé que 3 millions de personnes se sont enfuies. D'après la BBC, en novembre 2018, nous pouvions compter 1 300 000% d'inflation pour les 12 mois précédents. Donc la grosse, grosse catastrophe, en fait. Et qu'est-ce qui est fait pour mettre un terme à cette inflation qui provoque probablement la montée en force du marché noir et de la criminalité ? Alors, je ne suis pas la meilleure placée pour répondre à ça, ne m'étant pas penchée sur la question, mais je sais que l'armée est très fortement déployée dans les villes, physiquement, pour essayer de lutter contre les marchés noirs. Si ça fonctionne ou pas, je ne saurais pas dire. Donc face à toute cette situation de crise, Juan Guaido, un des fondateurs du parti centriste Voluntad Popular et député à l'Assemblée nationale, a finalement été choisi pour la présider en tant que candidat de compromis entre les plusieurs partis d'opposition. Il est rentré en fonction le 5 janvier et le 11 janvier, il a invoqué l'article 233 de la Constitution vénézuélienne pour appeler à de nouvelles élections présidentielles. Le 23 janvier, en suivant le même article et d'autres de la Constitution vénézuélienne, il s'est déclaré président par intérim dans l'attente de nouvelles élections, qui sont son but final. Bon, la situation est décidément compliquée, sans suivi des manifestations, davantage de répression, mais aussi des revendications de soutien à Maduro. La question est assez confuse et s'y ajoutent les réactions des autres États. Alors, il semblerait qu'un des premiers États à avoir réagi publiquement avec de grandes affirmations ont été les États-Unis, qui ont très rapidement reconnu Juan Guaido comme président intérimaire. Il a d'ailleurs affirmé en début février que l'usage de la force militaire reste une option, ce qui ne fait que compliquer la question davantage. Du côté européen, la situation est aussi complexe, puisqu'initialement, l'Union européenne, en tant qu'institution, donc, a donné, le 26 janvier, une semaine à Nicolas Maduro pour annoncer de nouvelles élections, sans quoi il reconnaîtrait Juan Guaido comme président par intérim. Sauf que, le temps venu, les pays européens ont été divisés. 15 pays européens, dont la France, l'Angleterre et l'Allemagne, l'ont reconnu comme président par intérim, mais des États comme l'Italie, la Grèce, la Belgique et l'Irlande ont bloqué la possibilité d'une position commune sur la question, et donc de façon institutionnelle, même si leurs positions ne sont pas obligatoirement alignées, puisque la Grèce soutient Maduro, par exemple, tandis que d'autres veulent adopter une position plus neutre en faisant surtout appel à de nouvelles élections. Et malheureusement, ce genre de crise montre la division qui règne entre les pays européens. Et comment ont réagi les voisins du Venezuela ? Bon, eux aussi, ils sont divisés. Même si une majorité a reconnu Guaido, comme l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, le Pérou et le Paraguay. Grande dénonciation, mais c'est pour donner une idée de ce qui se passe dans la région. Et parmi ceux qui soutiennent Maduro, on peut trouver la Bolivie et le Nicaragua. Enfin, nous pouvons noter que le Mexique et l'Uruguay adoptent une position de neutralité. Alors par contre, avant de vous parler des conséquences de cette crise sur une crise sur une crise sur une crise, on s'y perd à force, sur les relations internationales et des enjeux politiques, j'aimerais faire un retour sur la situation de l'armée dans le pays, puisque c'est d'une importance capitale en fait. Alors tout d'abord, il faut savoir que depuis l'époque de Chavez, l'armée a été fortement instrumentalisée. Il l'a réarrangée, entre guillemets, de façon à n'avoir que des personnes alignées avec ses idées dans des postes haut placés. Ensuite, il leur a donné des postes leur permettant d'accéder au contrôle de banques et d'autres services financiers, tendance qui a été reprise par Maduro, qui a même mis des services de distribution de nourriture ainsi que de la compagnie nationale pétrolière, PDVSA, aux mains du ministre de la Défense et du chef de la garde nationale respectivement. En 2018, il avait aussi promu presque 17 000 soldats en récompense de leur loyauté. À noter que le président a fait signer un document aux membres des forces armées en déclarant leur loyauté et qu'aujourd'hui l'armée vénézuélienne compte plus de 500 000 personnes. L'armée est d'ailleurs d'une importance capitale dans la gestion de la crise au Venezuela, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, non seulement pour contrôler la distribution de nourriture, mais aussi pour garder la paix, entre guillemets. Lors des plusieurs soulèvements populaires et manifestations, c'est l'armée qui a été déployée pour gérer la situation. Elle est d'ailleurs accusée de graves violations des droits humains. D'ailleurs, l'armée, elle a fait allégeance à qui dans le pays en ce moment-là, Maduro ou Guaido ? Eh bien, pour l'instant, l'armée reste surtout du côté de Maduro. Justement, à cause de cette importance capitale, il sera difficile pour Guaido ou l'opposition, de façon générale, d'imposer de nouvelles élections si jamais Maduro ne le veut pas et qu'il a l'armée de son côté. Guaido lui-même, il l'a affirmé au New York Times récemment, en expliquant ainsi qu'ils ont offert une amnistie aux militaires et fonctionnaires de sécurité qui auraient commis des crimes contre l'humanité. Quelques rares militaires ont apporté leur soutien à Guaido, comme le cas du colonel José Luis Silva, représentant militaire auprès des États-Unis. Il a appelé à ce qu'il y ait de nouvelles élections, libres, et a demandé à ce que le reste du corps militaire fasse de même. Il considère, et je cite, que les forces armées ont un rôle fondamental dans la restauration de la démocratie dans leur pays. C'est ce qui lui a valu d'être considéré comme un traître par le ministre de la Défense. Mais il n'a pas été le seul à reconnaître Guaido comme président intérimaire dans le corps militaire. Il y a aussi un général de l'armée de l'air qui est directeur de la division de la planification stratégique, et un colonel et un capitaine, mais ce sont des cas isolés. Et justement, pour essayer de contrer ce début de mouvement et de cas isolés, et surtout peut-être de l'étouffer avant qu'il naisse, Maduro a demandé à la milice nationale bolivarienne, une milice sous principe de volontariat, créée il y a 20 ans, de se joindre aux forces armées à travers la garde nationale bolivarienne. On comprend bien que la situation interne est très confuse et très complexe, et moi personnellement, je comprends bien pourquoi les voisins du Venezuela s'en inquiètent. Mais pourquoi est-ce que des puissances si lointaines, russes, chinoises ou européennes par exemple, se sont emparées de la question ? Quel a été leur intérêt de se positionner comme elles l'ont fait ? Alors, pour expliquer ça, il va falloir aborder la question par pays. Donc, prenons la Russie d'abord. Un pays lointain, certes, mais avec lequel Maduro entretient de très forts liens. C'est justement grâce à ces liens que Vladimir Poutine soutient bien évidemment Maduro et considère comme lui que Juan Guaido est en train de faire un coup d'État qui est soutenu par les États-Unis. Bon, rien que ça, ça devrait vous donner une idée de pourquoi il y a une implication de plusieurs États. Et l'intérêt russe vient d'où ? Vous vous doutez bien que Poutine n'agit pas de telle sorte par philanthropie. Pour ce qui est des relations Russie-Venezuela, elles sont en place depuis l'époque de Chavez, en fait. Et qui, lui, était anti-américain, donc l'ennemi de mon ennemi. Et puis, il y a bien évidemment la question du pétrole. Si vous avez écouté notre dernier épisode, vous vous souviendrez de l'importance que le pétrole a dans la géopolitique. C'était ainsi un atout pour la Russie qui a des actions dans plusieurs projets au Venezuela. Mais ce n'est pas le seul aspect de leur relation. Il y a aussi des ventes dans le domaine de la défense et militaire de la Russie vers le Venezuela, comme par exemple récemment deux chasseurs bombardiers supersoniques à capacité nucléaire de courte portée, et ce qui inquiète un peu les États-Unis puisqu'ils peuvent voler jusqu'à 12 000 km sans faire de plein et donc les toucher. Grâce à cette relation, le Venezuela a pu profiter de plusieurs prêts à investissement qui s'élèveraient à 17 milliards de dollars, dont des prêts à la compagnie pétrolière PDVSA. Bien évidemment, la relation est réciproque lorsque l'occasion le permet. Comme par exemple en 2014, lors de l'annexation de la Crimée, le Venezuela a voté contre l'imposition de sanctions à la Russie dans le cadre de l'ONU. Bon, alors, nous avons la Russie comme un des principaux alliés du Venezuela. Mais elle n'est pas la seule. Le Venezuela a aussi pour grand ami la Chine, qui serait même la principale aide financière du pays ces dernières années. Et il serait même possible que le montant des prêts atteigne les 50 milliards de dollars que les Vénézuéliens repayent en pétrole tous les jours avec un quart de leur production. Mais ce n'est pas une relation aussi proche qu'avec la Russie, puisqu'elle est surtout basée sur des questions financières et d'intérêts économiques, notamment tenant compte que la Chine est un des principaux consommateurs de pétrole au monde, signifiant donc que leur relation risque de ne pas tenir aussi longtemps au vu de la situation actuelle du pays. Alors, de l'autre côté, nous avons les États qui sont en train d'imposer des sanctions au pays, notamment les États-Unis et l'Union européenne. Initialement, les États-Unis avaient imposé des sanctions que contre les hautes personnalités et certains secteurs spécifiques, mais avec les nouveaux développements, ils comptent imposer des sanctions au secteur pétrolier à travers les nouveaux contrats qui seront signés, ce qui devrait avoir lieu en avril. L'Union européenne, elle, a également mis en place des sanctions contre 18 officiels vénézuéliens, responsables de violations des droits humains, ainsi qu'un embargo envers les ventes d'armes et d'équipements utilisés pour la répression interne. Pour faire un espèce de bilan grossièrement, il y a combien de pays qui supportent Maduro et combien de pays qui supportent Guaido ? Alors, actuellement, en tout, il y aurait 50 pays dans le monde qui auraient manifesté leur soutien pour Maduro et 65 pour Guaido. La division du monde sur la question est relativement étonnante. Quand est-ce que sont prévues les nouvelles élections libres qui ont été promises d'ailleurs ? Ce serait peut-être le moyen de régler la crise extérieure, même si la crise interne prendra des années avant de se calmer, si elle se calme totalement un jour. Eh bah, pour l'instant, elles ne sont pas prévues. Les dernières qui ont eu lieu, où donc Maduro a gagné son deuxième mandat, ont eu lieu en mai 2018, donc elles sont toutes récentes. Alors, après avoir parlé de toutes ces relations entre États, il est très important de soulever un des principaux problèmes que cause aussi cette situation interne, qui est une crise migratoire. Comme je l'ai déjà évoqué, il y aurait depuis 2015 eu 3 millions de personnes qui auraient fui le pays, ce qui équivaut à environ 7% de la population vénézuélienne. Et comme vous pouvez imaginer, pas tout le monde a les moyens de partir s'installer confortablement dans un autre État ou pour les diasporas étrangères. Je sais par exemple qu'il y a une très grande communauté portugaise au Venezuela. Pas tout le monde peut juste retourner à leur pays d'origine. Donc cette crise migratoire provoque de grands problèmes pour les États voisins du Venezuela, mais aussi pour ceux qui accueillent de retour leur diaspora pour les étrangers. Mais nous n'allons pas aborder cette question de façon spécifique ici, puisque chaque État gère ça de façon différente. Les Nations Unies ont d'ailleurs affirmé en septembre dernier que cette crise pourrait atteindre un point de crise comparable à celui de la Méditerranée en 2015. Et cela, c'est sans compter le fait que pour le Venezuela, c'est absolument énorme. Perdre 7% de sa population en quelques années, ben, ça n'augure rien de bon pour la suite. Surtout si ce sont des élites intellectuelles qui ont commencé à quitter le pays. Entendez par élite intellectuelle que si les ingénieurs, les physiciens, les artistes, les juristes et les diplomates commencent à quitter le pays, ben c'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux et c'est une crise beaucoup plus profonde et plus longue qui guette le pays. Et comme tu l'as dit Carolina, une crise sur une crise sur une crise, L'instabilité économique a provoqué l'instabilité politique interne puis externe, l'instabilité sociale en parallèle. La question migratoire doit absolument être prise en compte par les autorités vénézuéliennes dès à présent s'ils ne veulent pas se retrouver avec une population amputée et avec des relations dégradées avec ses voisins. Absolument, c'est une question très très compliquée pour le pays qui ne semble être en train que de s'aggraver pour l'instant. Et d'ailleurs, pendant plusieurs années, les pays voisins comme le Brésil, la Colombie, l'Équateur ou encore le Pérou ont accueilli plus de 2 millions de personnes selon les estimations. Il n'y a que récemment, dans les derniers mois, que certains pays ont imposé des restrictions et qu'il y a des tensions avec les populations locales aux frontières, comme au Brésil en août dernier. Au Pérou, il n'y a que les Vénézuéliens en possession d'un passeport qui peuvent rentrer, par exemple, et l'Équateur a déclaré un état d'urgence dans les parties de son pays affectées par les vagues migratoires. Mais les États voisins restent dans une logique d'entraide pour l'instant, raison pour laquelle, en septembre dernier, il y a eu un sommet dans lequel 11 pays de la région se sont mis d'accord pour échanger plus d'informations et soutenir davantage ceux directement affectés par la crise migratoire. Le Brésil, d'ailleurs, a déjà commencé à mettre en place des programmes pour les aider, en les déplaçant dans des zones frontalières aux grandes villes afin qu'ils puissent être mieux intégrés et trouver du travail. Bon, comme vous pouvez voir, la crise vénézuélienne affecte les relations internationales de plein de façons différentes, que je n'ai pas pu tout détailler ici. Les facettes de cette crise sont ainsi nombreuses et les personnes prennent parti très vite, justement à cause du fait que le gouvernement soit un symbole anti-américain. Mais nous avons jugé utile de faire ici un résumé du mieux possible afin d'exposer les faits et de mettre au clair la situation. Merci Carolina pour ce point sur des aspects parfois un peu moins compris ou connus de la crise. Je vous propose qu'on refasse un point sur la situation dans quelques mois pour voir quelles ont été les évolutions d'abord, puis pour compléter aussi notre espèce de cartographie des défis du Venezuela. Alors, nous allons maintenant revenir en Europe pour notre prochain sujet. Nous vous avions parlé dans notre premier épisode de sous-marin, et comme on ne veut pas faire de jaloux, Océane, tu vas aujourd'hui nous parler d'avions. Mais pourquoi faire ça ce mois-ci en particulier ? Alors à cause de deux actualités, Carolina, qui n'ont pas fait un bruit incroyable dans les médias, pas comme le Venezuela, mais qui sont forcément arrivées aux oreilles des intéressés. Alors premièrement, l'Allemagne a dit non aux F-35 américains début février, et le 11 février, la France et l'Australie ont enfin signé un accord de partenariat stratégique après plusieurs années de négociations. Donc pour ceux qui en ont entendu parler, vous savez déjà que je vais vous parler d'avions, certes, mais aussi de sous-marins, encore une fois. Alors c'est assez évident, mais les sous-marins et les avions ont une durée de vie limitée. Il arrive un moment où on ne peut plus les utiliser, ils sont trop vieux, à peu près comme tous les objets qu'on utilise. Même si la durée de vie des programmes est assez longue, puisque à partir du moment où il y a une décision politique de s'en doter et le moment de la retraite, il se passe facilement 70 ans. On va commencer par les avions. Donc depuis un petit moment, et vous avez dû en entendre parler ça, il y a plusieurs pays européens qui se sont mis en recherche de nouveaux avions, parce que les leurs étaient trop vieux ou que la maintenance commençait à coûter trop cher. Mais alors lorsqu'une telle question se pose, et qu'on n'est pas soi-même un constructeur des avions dont on a besoin, vers qui on se tourne pour en acheter ? Donc en fait, le sujet va tourner autour de l'industrie de défense. Alors oui, enfin, je ne suis pas une experte, donc je ne vais pas prétendre être exhaustive sur le sujet, ce n'est pas un gros point sur l'industrie de défense, mais on va forcément en parler. Penchons-nous d'abord sur le cas de l'Allemagne et le cas de la Belgique. Alors tous les deux membres de l'OTAN et de l'Union européenne, tous les deux ayant besoin de nouveaux avions, il y a plusieurs choix qui s'offraient ou qui s'offrent toujours à eux. Premier choix assez évident, c'est l'option américaine, qui est compatible avec l'OTAN. Deuxième choix, l'option européenne. Alors chacune de ces options a des conséquences diplomatiques et économiques pour le pays, la région et puis même l'équilibre global. Il y a toujours aussi la possibilité d'acheter ailleurs, c'est sûr, mais politiquement c'est un peu plus difficile à faire passer d'acheter russe si on est membre de l'OTAN. Donc, on va se concentrer sur les options américaines et européennes. Alors les Belges ont choisi en novembre dernier de se doter des F-35, ce qui a été très critiqué par la France, en disant que ça affaiblissait la défense européenne. Mais alors, avant ça, le Danemark, le Royaume-Uni et les Pays-Bas se sont dotés de F-35. Et ça, c'est sans compter la Norvège, la Turquie et le Canada, qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui sont bien dans l'OTAN. La France avait tenté de remporter le marché belge, mais sans succès, avec des propositions qui ne convenaient pas à la Belgique. Il y a eu pas mal de disputes entre la France et la Belgique sur ce point-là. Et d'ailleurs, je fais une petite digression, mais les seuls Rafales en Europe sont possédés en fait par les Français. L'interopérabilité des systèmes américains étant vue comme meilleure pour la défense européenne. Ça met un peu plus en lumière non pas le manque de capacité de l'avion français, mais les problèmes qui se posent sur l'interopérabilité. Et ça, en fait, indique un peu mieux pourquoi la Belgique a décidé d'aller américain avec les F-35. Si vous avez un peu de mal à comprendre la question de l'interopérabilité, c'est assez facile, on a une comparaison toute trouvée. Imaginons que chez vous, vous avez tous vos appareils électroniques et connectés chez Apple. C'est super pratique, tout fonctionne bien avec le cloud. Mais un jour, vous décidez de changer votre iPhone pour un Android. Et ben là, tout d'un coup, tout est beaucoup moins fluide parce que les systèmes n'ont pas été conçus par les mêmes entreprises. Et pas exactement, ils fonctionnent pas exactement de la même manière. Et ben pour la défense au sein de l'OTAN et ou de l'Europe, c'est pareil. Quand on a les mêmes avions, c'est beaucoup plus facile d'être interopérable avec ses alliés que quand on a des modèles différents. Et au-delà du ressentiment français pour ce qui est vu comme une trahison belge, mais qui n'est pas vraiment une trahison, comment passer au-delà de ce problème d'interopérabilité ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Belges ne sont pas en soi opposés à une défense européenne, en tout cas dans leur discours, c'est pas ce qu'ils disent. Mais ils pensent juste qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de rivaliser avec ce que proposent les États-Unis. Il y a un programme qui s'appelle le Système de combat aérien du futur, le SCAF, qui a été lancé conjointement par l'Allemagne et la France, qui pourrait répondre à cette question d'interopérabilité européenne. Alors, les délais, là, se comptent en dizaines d'années, donc la Belgique avait besoin d'un avion avant ça. Alors, les Belges ont fait leur choix, certes sur le F-35, mais les Allemands ont été confrontés au même choix. L'année dernière, le chef d'état-major de la Luftwaffe, Karl Müllner, avait affiché sa préférence pour ces nouveaux avions, pour les F-35A américains, donc pour remplacer les Tornado. Mais déjà, les politiques étaient un peu moins emballées parce que le F-35 est un avion coûteux à la fois à l'achat et à l'entretien. Alors, pour rappel, c'est le programme qui a coûté le plus cher aux Américains, estimé à environ 878 milliards d'euros jusqu'en 2070. Alors oui, c'est une estimation. Et du coup, les Américains essayent, avec succès, de le vendre à l'étranger pour éponger une partie de ces coûts colossaux. Alors, comme l'avait souligné le PDG d'Airbus Defence and Space, acquérir des avions de combat auprès des États-Unis pourrait, et je cite, « affaiblir l'industrie européenne de la défense et la rendre de plus en plus tributaire de la technologie américaine ». La question politique derrière l'achat d'un avion, c'est assez crucial, surtout à une époque où l'Europe jongle entre une volonté d'intégration, notamment industrielle, et de dissensions politiques. Berlin avait donc annoncé privilégier l'achat d'un Eurofighter Typhoon, mais ces Eurofighters, s'ils se montrent plus enclins à l'industrie européenne, ne permettraient pas en soi tout de suite à l'Allemagne d'emporter des armes nucléaires tactiques otaniennes, les B-61, contrairement à ce que ces Tornado actuels peuvent faire. Et modifier les Eurofighters pour leur permettre de remplir des missions otaniennes, ben ce serait coûteux et long, ça pourrait prendre jusque 7-10 ans. Alors il y a deux solutions qui s'imposaient à ce moment-là, acheter F-35 américain malgré le coût, ou acheter européen malgré les difficultés qui se posent sur le programme. Et du coup finalement l'Allemagne a fait son choix ? Alors pas tout à fait. Début février 2019, donc l'Allemagne a écarté officiellement les F-35, au contraire de ce qu'avait fait la Belgique. Donc elle n'a pas fait un choix, mais elle a écarté les F-35, et c'est plutôt une bonne chose pour l'industrie européenne, on est encore en lice. Il y a deux modèles donc, qui sont en confrontation, il y a l'Eurofighter Typhoon et le, j'espère que je ne vais pas écorcher le nom, le FA-18 Super Hornet. Et donc ces deux modèles sont ceux d'Airbus et Boeing qui ont convaincu l'Allemagne que chacun des deux avions pourrait réaliser des missions nucléaires pour l'OTAN. Donc il y a une question qui se pose maintenant, l'Allemagne va-t-elle choisir l'intégration à l'OTAN ou l'industrie européenne ? L'Allemagne, alors contrairement à la Belgique, est un peu plus fortement attachée à l'Union européenne et à cette idée de couple franco-allemand avec ses initiatives particulières. Mais néanmoins, et beaucoup plus que la France, l'Allemagne est très attachée à l'OTAN. qui, si on doit le rappeler, a joué un rôle central dans la défense de l'Ouest du pays pendant la guerre froide, qui a une relation très très particulière. Ça peut sembler assez anecdotique de parler du choix allemand en termes d'avions. On peut penser que c'est simplement une histoire d'argent, puisque ces industries, ça représente des milliards d'euros. Mais en fait, les choix des États sur des points aussi cruciaux, ça montre un positionnement politique assez clair. Les difficultés de la France à vendre en Europe et à créer une industrie européenne forte, ben ça met en avant le fait que l'Europe de la défense est une ambition un peu plus française qu'européenne. Et si certains pays nous appuient dans une certaine mesure, comme l'Allemagne, avec qui il existe beaucoup de choses, ben d'autres n'y pensent même pas parce que les intérêts sont complètement différents. La Pologne, pour ne citer que cet exemple assez connu, tient beaucoup plus à l'alliance avec les États-Unis qu'à un projet européen. Et donc la question de l'industrie de défense est beaucoup plus large que cette simple histoire d'avion, et cette histoire d'avion implique beaucoup, beaucoup de combats politiques et de concurrence entre les géants américains et ce qui pourrait devenir un gros groupe européen. Et puis au vu de la réaction française au choix de la Belgique, je n'imagine pas la réaction si l'Allemagne choisit les Américains. C'est sûr. Mais bon, on ne va pas finir sur une note si triste sur la France. Tu nous as parlé de sous-marins et d'Australie en début de chronique. Alors, je sais pas si ça se voit que j'aime les sous-marins, et je fais très très vite une digression, mais je conseille à tous les auditeurs qui n'en ont jamais vu d'aller regarder un plan d'un de nos sous-marins, par exemple le Terrible. Les hommes et les femmes qui ont participé à la construction d'un tel monstre marin ont fait preuve d'une ingéniosité et d'une intelligence mais absolument impressionnante. Il n'y a pas un seul espace qui est perdu. Ils miniaturisent des centrales nucléaires pour se propulser tout en transportant des missiles nucléaires. Une flotte entière d'hommes, et puis depuis très récemment de femmes, à bord des sous-marins pour une durée de 90 jours en immersion totale. C'est absolument incroyable. Bon, là, toutes ces informations, ça concerne les SNLE, mais il y a d'autres types de sous-marins. Je vais m'arrêter sur ma digression et je reviens à notre actualité. Naval Group, qui est un groupe industriel français spécialisé, comme son nom l'indique, dans l'industrie navale de défense, mais aussi dans les énergies marines renouvelables, a signé un accord cadre sur une coopération stratégique avec l'Australie, qui devrait être suivi par un contrat sur le design du sous-marin de 1 à 2 milliards d'euros, voilà ce que ça représente, puis ensuite d'un autre contrat sur la construction d'une douzaine de sous-marins. Ce contrat a été appelé le contrat du siècle par la Tribune. Il s'élève à environ 34 milliards d'euros, alors les chiffres changent selon les sources, mais plus de 30 milliards d'euros, dont 8 milliards directement pour l'entreprise française, le reste pour l'américain Lockheed Martin pour les systèmes de combat. Les sous-marins sont le modèle Chortfin Barracuda, ils sont propulsés au diesel, pèsent 4500 tonnes et font 97 mètres de long. Les négociations pour signer le contrat, qui vient d'être signé donc en février, avaient commencé en 2017, après la signature d'un accord entre la France et l'Australie en 2016. Alors certes, depuis 2016, le temps des négociations, c'est très long, c'est vrai. Mais ça intègre la question des transferts de technologie, de l'entretien des sous-marins, des garanties politiques et économiques de chacun des signataires. C'est une vraie victoire pour la France, et pas seulement pour Naval Group, parce que la France possède 62,49% du capital de l'entreprise, ce qui en fait son actionnaire majoritaire. C'est une victoire, oui, comme l'exportation des Rafales en Inde. Mais encore une fois, ce n'est pas en Europe. Oui, alors, et la question de la défense européenne est extrêmement complexe, parce que très politisée. On pourrait faire tout un épisode sur l'industrie de défense, déjà d'une part, et de l'autre, la défense en Europe. Mais d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, le 15 mars à Lyon, il va y avoir un grand colloque à ce sujet qui est porté par les étudiants du M2, qu'on a fait il y a un petit moment. Je vous mettrai le lien en description. Mais intéressez-vous à la question de l'industrie de défense. C'est en effet un sujet assez compliqué, mais très intéressant. Et raison pour laquelle je trouve que ce serait intéressant d'avoir un spécialiste sur la question pour une intervention, pour un grand dossier. Je ne sais pas ce que tu en penses, Océane. Alors, je suis plus que partante, mais c'est vrai que les spécialistes des industries de défense ne sont pas nombreux. Donc, on va essayer. Et ils n'ont pas tendance à vouloir venir parler. On sait à qui on pense. Allez, on passe à notre prochain sujet. Et alors, pour notre troisième sujet, on va revenir à la question de la crise avec les relations franco-italiennes de ces derniers mois. Yeah! Les origines de la crise remontent à la dernière élection italienne du 4 mars 2018, qui a résulté à un parlement sans majorité politique. Le mouvement 5 étoiles a raflé un tiers des sièges à lui seul, la coalition de centre-droit un peu plus d'un tiers, et le parti démocrate du président un peu moins. Ça reste un très grand parti, mais en net recul par rapport aux élections précédentes. Et après des mois de négociations supervisées par le président de la République, Sergio Mattarella, le 1er juin 2018, une coalition a enfin été signée. Alors, ensuite, le pic de la crise politique entre donc la France et l'Italie a été atteint le 7 février, quand la France a rappelé son ambassadeur de France en Italie. Les tensions montaient donc déjà depuis cette fameuse élection, qui a débouché sur Giuseppe Conte comme président du Conseil des ministres et Matteo Salvini comme vice-président de ce même conseil. Alors, si on prend en compte le fait qu'une des principales lignes du président Macron est de s'ériger comme un rempart contre l'extrême droite, ça met directement en cause les relations franco-italiennes, étant donné que ces derniers ont actuellement au pouvoir des personnalités d'extrême droite et des politiques qui suivent cette ligne. Donc on peut bien se douter que les relations entre les deux pays ne peuvent pas être les meilleures actuellement. Du point de vue des Italiens, Macron et le gouvernement français sont fautifs puisque celui-ci a fortement critiqué plusieurs fois au long de 2018 le gouvernement italien et son extrémisme. D'ailleurs, un des principaux points qui a touché le gouvernement italien a été quand fin octobre, le gouvernement français a diffusé une vidéo servant à pousser les citoyens à voter aux élections européennes 2019. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et dans cette vidéo, des personnalités comme Viktor Orban de Hongrie et Matteo Salvini sont montrés comme des symboles contre lesquels il faut se battre sous la question de partenaire ou concurrent. Donc ceci peut clairement être vu comme un affrontement à ces gouvernements. Autant pour la Hongrie, ce n'est pas une question nouvelle. L'Union européenne en général s'étant déjà maintes fois prononcée sur le sujet. Autant pour l'Italie, venant de la France, rend la question un peu plus délicate. Bon, maintenant prenons en compte ce qu'a fait Luigi Di Maio, ministre de l'Intérieur, en ce début d'année. En janvier, conjointement avec Salvini, il a apporté son soutien au mouvement des Gilets jaunes. En février, il était présent en France sans en avertir les autorités françaises, donc diplomatiquement, ça ne passe pas très bien. Et en plus, il est venu pour soutenir un mouvement interne à la politique française. Et puis, pas n'importe lequel de mouvement, mais un mouvement qui cause des troubles politiques et sociaux depuis plusieurs mois. Bon, nous savons à quel point ce sujet est extrêmement délicat. Nous ne sommes absolument pas là pour analyser ce mouvement, ses revendications ou ses conséquences à l'intérieur même de la France, mais surtout de comprendre pourquoi, au niveau des relations internationales, adopter une telle attitude de la part des Italiens a créé des conséquences au niveau de la réponse des Français. Quelques mois avant ça, Luigi Di Maio et Matteo Salvini en étaient même venus à demander la démission de Macron. C'est ainsi qu'un porte-parole du Quai d'Orsay a affirmé que, et je cite, « cette nouvelle provocation n'est pas acceptable entre pays voisins et partenaires au sein de l'Union européenne. Luigi Di Maio, qui assume des responsabilités gouvernementales, doit veiller à ne pas porter atteinte par ses ingérences répétées à nos relations bilatérales dans l'intérêt de la France comme de l'Italie. » Alors, il faut savoir qu'un ministre de l'Intérieur, c'est un représentant du gouvernement et de l'État. Donc, toutes ces actions, qu'il le veuille ou pas, ont une signification. Surtout si l'action est totalement politique. Avoir un officiel italien qui soutient un mouvement interne d'un autre pays, c'est vu comme une ingérence dans les politiques intérieures du pays. Plus encore tenant compte que les élections européennes auront lieu dans 3 mois. Di Maio s'était défendu en affirmant qu'il avait effectué sa visite en tant que chef du mouvement 5 étoiles, et pas en tant que membre du gouvernement. Mais ce n'est pas une distinction qui puisse être faite en politique ou en relations internationales. Il est juste pas possible d'avoir deux casquettes et de choisir laquelle mettre à quel moment. Tout ça nous ramène aux conséquences. Le gouvernement français qui a donc rappelé son ambassadeur pour des consultations. Diplomatiquement, la signification d'un tel acte est immense, puisque un ambassadeur représente son pays, son État et les positions du gouvernement actuel dans un pays extérieur, et donc la France a rappelé cette représentation et ce symbole en fait. Les tensions semblent néanmoins s'être un peu apaisées, puisque Matteo Salvini s'est montré prêt à rencontrer Emmanuel Macron, de façon à rétablir de meilleures relations. Finalement, le président français a eu un appel téléphonique avec le président italien, Sergio Mattarella, et ils ont réaffirmé l'importance pour chacun des deux pays de la relation franco-italienne, nourrie par des liens historiques, économiques, culturels et humains exceptionnels. C'est dans cette logique que la ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, a annoncé vendredi 15 que l'ambassadeur serait de retour à Rome le jour même. Alors, la question de l'ingérence dans d'autres États est très délicate, puisque comme j'ai pu l'évoquer plus tôt, parfois ça arrive, comme en Europe, le cas de la Hongrie, ou le cas de la Pologne d'ailleurs. C'est aussi le cas pour le Venezuela, comme nous en avons parlé. Mais en fait, la principale différence, c'est qu'en général, dans ces cas-là, l'ingérence est justifiée par le fait qu'il soit considéré que ces pays violent les droits humains, et donc que les populations ont besoin d'aide afin de ne les pas laisser à leur propre sort. Le principal problème ici, c'est que la France et l'Italie ont des liens extrêmement proches, enfin sont des pays frontaliers. Dans tous les secteurs, il y a des relations très fortes. Il est donc très délicat pour l'un pays comme pour l'autre de critiquer le gouvernement de l'autre. D'aller soutenir officiellement, qu'il le veuille ou pas, c'est l'image donnée, un mouvement qui est contre le gouvernement actuel, c'est un réel affrontement aux liens tissés. Mais alors, au-delà de la question des gilets jaunes, qui n'est que la surface médiatique des relations franco-italiennes, c'est la partie émergée de l'iceberg, y a pas mal de confrontations entre la France et l'Italie, et ce depuis plusieurs années, qu'il faut garder en tête. Parce que bien que partageant une culture latine commune, un amour pour le fromage et le vin, les relations entre Italie et France depuis 1945 n'ont pas toujours été simples. Sans revenir avant 1945 sur la Deuxième Guerre mondiale, il y a plusieurs points de friction qui sont apparus. Et déjà, dans les années 60, la France et l'Italie se sont affrontées sur leur vision différente de l'Europe, et une vision qui est différente aujourd'hui encore. Un autre moment dans l'histoire, on va passer assez rapidement, parce qu'on ne va pas refaire toute l'histoire des relations franco-italiennes, mais il y a eu des mésententes très très fortes sous Silvio Berlusconi. Au-delà de la personnalité de ce président qui a fait couler beaucoup d'encre, le grand désaccord fut notamment l'intervention française en Libye. L'Italie, ancien pays colonial de la Libye, considère que la situation libyenne, qui est aujourd'hui catastrophique, est en partie due à l'intervention de 2011. Nicolas Sarkozy, le président français de l'époque, a été extrêmement critiqué par les Italiens, et il l'est toujours, pour cette intervention militaire. Ce dossier a particulièrement assombri les relations franco-italiennes, et il continuera de le faire tant que la Libye ne sera pas stabilisée, ce qui pourrait prendre encore pas mal de temps. De plus, parmi les conflits franco-italiens, en 1995, l'Italie avait voté pour la motion à l'ONU qui a condamné la reprise des essais nucléaires français sous Chirac. Rappelez-vous, on en avait parlé pendant notre premier épisode. La réponse de Jacques Chirac fut d'annuler le sommet franco-italien, un sommet annuel qui a été institutionnalisé en 1982. Ce sommet devait se dérouler en Italie en 2018 et donc il a aussi été annulé, ce qui montre l'importance de la division franco-italienne. Un des grands sujets de conflit, c'est la crise des migrants. Alors ça vous rappelle probablement un truc des actualités, mais aussi de ce qu'on disait juste avant sur le Venezuela. L'Italie est un des pays qui est le plus touché par la crise migratoire de la Méditerranée. Beaucoup de bateaux accostent sur ses côtes. L'Italie dénonce l'attitude de la France qui, je cite, « aurait fermé ses frontières, tandis qu'elle aurait continué à faire des discours sur les droits de l'homme, condamnant l'Italie pour son attitude envers les migrations ». Ce dossier de la migration, ça fait écho à la question européenne, sur laquelle la France et l'Italie ont adopté des positions différentes. Alors que le président Emmanuel Macron est ouvertement pro-européen et que cette position a un peu été la marque de son début de mandat, le gouvernement italien actuel est beaucoup plus eurosceptique dans la lignée de la montée de l'extrême droite en Europe. La crispation de l'Italie envers l'Allemagne, pour des raisons totalement similaires, a aussi des conséquences sur sa relation avec la France. Néanmoins, et malgré le geste extrêmement symbolique du retrait de l'ambassadeur par Macron, ça n'empêche pas les deux pays de coopérer sur de nombreux sujets. Alors déjà sur le commerce et les investissements. La France et l'Italie sont chacun le deuxième partenaire commercial de l'autre. En octobre 2017, le volume global des échanges était de 76 milliards d'euros. La France était le premier investisseur en Italie et l'Italie le huitième en France. Il y a aussi une coopération sur la question culturelle. Il existe des réseaux d'enseignement communs, une équivalence entre les baccalauréats et la langue française et la seconde langue enseignée en Italie, juste après l'anglais. Il y a aussi des coopérations sur les questions industrielles et scientifiques. Les deux pays coopèrent depuis 2007 sur le spatial, la question de l'observation de la Terre et les télécommunications spatiales notamment. Elles coopèrent bilatéralement, mais aussi au sein de l'Agence spatiale européenne sur les lanceurs. Le dernier sommet franco-italien, donc de 2017 et pas de 2018, a renforcé la volonté de partenariat dans l'industrie de défense, notamment dans le domaine naval, avec la volonté de créer un leader mondial. Un accord a été passé sur l'actionnariat de STX France pour développer l'activité des chantiers de Saint-Nazaire, et une alliance entre Fincantieri et Naval Group a été faite. Cette alliance a été conclue en octobre 2018. Elle est très très loin des volontés politiques de 2017, début 2018. Par exemple, il n'y a pas de prise de participation croisée. Ça s'explique avec un changement de gouvernement du côté italien. Mais il y a quand même un service minimum, la création d'une société commune à parité sur les bâtiments de surface, qui a été décidée, malgré les confrontations politiques. Ce partenariat s'inscrit dans une dynamique navale plus large. La coopération sur le plan naval est assez logique entre la France et l'Italie, puisqu'elles ont été et qu'elles sont toujours dans une certaine mesure des puissances navales européennes, accompagnées du Royaume-Uni, de l'Espagne et du Portugal. Sur la question militaire d'ailleurs, l'Italie et la France coopèrent au sein de l'OTAN. L'intégration du nouveau gouvernement italien au sein de l'OTAN avait provoqué pas mal de questionnements à l'époque. Cet été, on en a beaucoup entendu parler. L'Italie étant une base essentielle de l'organisation atlantique, un gouvernement qualifié d'anti-système par certains aurait pu remettre en cause la bonne coopération de l'Italie avec l'OTAN. Et en juin 2018, Salvini avait demandé à l'OTAN d'intervenir contre l'immigration clandestine, ce qui en soi a encore plus posé de questions à l'OTAN. Mais en septembre 2018, ce sont les Eurofighter Typhoon des forces italiennes qui sont allés assurer l'espace aérien islandais, bon, en coopération avec d'autres parce que l'Italie n'a pas les moyens de faire toute une opération comme ça seule, mais ça prouve l'engagement de l'Italie envers l'OTAN. Je referme la parenthèse OTAN et je reviens en coopération franco-italienne. Sur la défense, les deux pays mènent des opérations conjointes au G5 Sahel pour lutter contre les activités criminelles et le terrorisme, tout ça compris dans des missions un peu plus larges de l'Union européenne. C'est dans le cadre européen qu'une coopération sur des systèmes de missiles et de défense antimissiles sont pensées, et la France et l'Italie sont deux leaders de ce projet-là. Donc en fait, malgré de très fortes tensions politiques et diplomatiques en ce moment, la France et l'Italie n'ont pas arrêté leurs relations culturelles, industrielles ou militaires. Et comme tu l'as dit, Carolina, la situation politique semble s'être légèrement améliorée. Mais l'addition de rancunes et de disputes entre les deux pays sur la Libye, la politique européenne, la politique migratoire, l'ingérence partisane, tout ça, c'est le reflet d'une Europe divisée sur le même genre de questions, en fait. Une Europe qui est fragilisée par les vagues migratoires, les divisions politiques avec la montée en force de l'extrême droite, les tensions avec la Russie, l'éloignement des États-Unis avec Trump. Puis la question du Brexit qui, malgré un front uni côté Union européenne, n'a pas fini de fragiliser l'Alliance et aussi le Royaume-Uni. Mais nous parlerons de ce sujet très bientôt. On espère que retracer les étapes de la crise actuelle et de revenir sur les désaccords et accords historiques vont permettre de comprendre un peu mieux les tensions franco-italiennes. Nous allons maintenant passer au grand dossier avec notre nouvelle invitée. Alors, aujourd'hui, on accueille notre deuxième invitée, Aurore Andro. Aurore, elle est particulière parce que déjà, c'est une femme brillante, mais surtout, on était toutes les trois dans le même master de Lyon, c'est là où nous nous sommes rencontrées. Aujourd'hui, comme nous, elle a fini ses études et comme nous, elle est doctorante. Elle a choisi la voie du droit international humanitaire à Aix-Marseille et elle travaille plus particulièrement sur le terrorisme et le principe de distinction en droit international humanitaire. Et c'est exactement ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, Aurore. Tout à fait, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Et en fait, pour commencer, je voulais vous parler des règles de la guerre. Parce que si surprenant que ça puisse sembler, la guerre connaît des règles. L'ensemble de ces règles est appelé donc, soit droit des conflits armés, soit droit international humanitaire. Et l'essentiel de ces règles est contenu dans les conventions de Genève de 1949. Le garant international de ces règles-là, c'est le Comité international de la Croix-Rouge. Et en fait, vous le savez peut-être, mais l'idée d'une Croix-Rouge, et ben en fait, elle est née sur le champ de bataille à Solferino en 1859. Le fondateur de la Croix-Rouge, Henri Dunant, était au milieu des affrontements à Solferino. Il se trouve qu'il venait rencontrer l'empereur français à ce moment-là. Voilà. Et en fait, en se retrouvant au milieu de ces affrontements et en voyant l'horreur de la guerre, il a décidé d'organiser les secours pour tenter de venir en aide aux blessés de guerre, et ce, quelle que soit leur nationalité. Et donc, en fait, c'est cette horreur, cette horreur de la bataille de Solferino qui a motivé la mise en place de règles dans la guerre pour limiter les dégâts qui sont causés par celle-ci. Alors, bon, en réalité, des règles dans la guerre, on en retrouve des traces dans toutes les civilisations et pratiquement depuis le début de l'existence humaine. Bon, l'objectif des conventions de Genève de 1949, il était double, hein. Ça permettait d'abord de compiler en un seul document, ou plutôt quatre documents, toutes les règles de la guerre. Et d'autre part, et peut-être même surtout, cette compilation, elle intervient donc juste après la Seconde Guerre mondiale. Bon, on avait battu des records en termes d'horreur pendant cette guerre-là, donc il n'a pas été trop difficile de convaincre tous les acteurs internationaux de signer ces conventions. Donc les quatre conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, parce qu'effectivement, juste quatre conventions, c'était pas suffisant, tous ces documents-là, ils compilent des centaines de règles qu'on doit respecter dans la conduite de la guerre. Cependant, le droit international humanitaire, il comporte en fait cinq principes qui sont essentiels et qu'on va retrouver dans toutes les règles qui sont contenues dans les conventions de Genève. Le premier d'entre eux, c'est celui qu'on appelle le principe de distinction. Et donc, comme son nom l'indique, il établit la distinction entre les combattants et les civils. Donc ça semble assez simple, hein, effectivement, et la question à laquelle il faut essayer de répondre, de ce fait, c'est « mais qui est un combattant ?» Bon alors, forcément, à l'époque de Solferino, la question, elle était relativement simple. Hein. Les combattants, c'était les membres des armées impériales et royales. Leurs uniformes et puis les équipements qu'ils avaient permettaient de les identifier assez rapidement. Par contre, aujourd'hui, les combattants, ce sont plus seulement les membres des armées étatiques. Les combattants, ils peuvent aussi faire partie de groupes armés non étatiques, par exemple, dont la légitimité à exister et à combattre est d'ailleurs souvent remise en cause. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un combattant aujourd'hui s'il ne porte pas un uniforme ? C'est ça qui peut sembler effectivement un peu compliqué, mais heureusement, le droit international humanitaire a un peu évolué depuis la bataille de Solferino, et il a mis en place des critères pour identifier le combattant. Et voilà, donc la situation se complique, certes, mais il existe des éléments pour le reconnaître, le combattant. Il doit d'abord porter un signe distinctif reconnaissable, il doit porter les armes ouvertement, il doit faire partie d'une unité armée et organisée, être placé sous un commandement responsable et, aux surprises, être soumis à un régime de discipline permettant le respect du droit international humanitaire. Bon, évidemment, il y a certains de ces principes qui sont bien plus évidents et visibles que d'autres, et plus faciles à mettre en œuvre aussi. Mais voilà. Donc, une fois que les combattants sont identifiés, bah, ça devient un peu plus facile de désigner les civils, parce qu'en fait, ils sont tout ce qui n'est pas combattant. Les civils, eux, ils ne prennent pas part aux hostilités, ils ne portent pas les armes, et en fait, ils sont protégés par le droit international humanitaire. Mais du coup, est-ce que tous les combattants se soumettent à cette règle avec les signes distinctifs, porter ouvertement les armes, et qu'est-ce qui se passe s'ils ne le font pas ? C'est là où ça se corse un petit peu. Effectivement, il y a les règles qui existent. D'une manière générale, par les armées étatiques, les règles sont plutôt bien respectées, aussi parce qu'ils ont reçu des formations, que ce soit par la Croix-Rouge ou par d'autres organismes. Donc ils connaissent le droit international humanitaire et ils respectent ces règles. Maintenant, ça n'empêche pas que pour certaines opérations, pour des missions d'espionnage par exemple, l'uniforme n'est pas toujours porté. Pourtant, a priori, on est face à des combattants. Là où c'est un peu plus compliqué, mais on en parlera plus tard, pour les combattants qui font partie de groupes armés non étatiques, là, parfois, le respect du droit international humanitaire est un peu plus compliqué. D'accord. Bon, ben, on y reviendra plus tard. Exactement. Donc le principe de distinction, il concerne les personnes, on vient de voir, mais il concerne aussi les biens. Il faut faire la différence entre les combattants et les personnes civiles, mais il faut aussi faire la différence entre les objectifs militaires et les biens civils, en particulier les biens nécessaires à la survie de la population, les biens protégés parce qu'ils ont une importance culturelle, par exemple, les ouvrages et les installations dangereuses. Et donc les premiers, les objectifs militaires, on les nomme comme ça parce qu'ils peuvent faire l'objet d'une attaque, mais toujours dans la mesure où ils ne font l'objet d'aucune protection, et parce que le fait de les cibler, ça va nous rapporter un avantage militaire précis et licite, évidemment. Mais par contre, il y a aussi certains biens civils, donc d'une manière générale, on ne vise pas les biens civils, mais certains sont particulièrement protégés, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça va être les biens nécessaires à la survie de la population, du type les champs et l'eau. On n'empoisonne pas les champs ni l'eau, par exemple. On va protéger les musées, les bâtiments qui ont une importance pour le patrimoine. On va protéger aussi tous les lieux de culte, quels qu'ils soient. Et évidemment, on ne tire pas sur une centrale nucléaire ou sur un barrage hydraulique, parce que le barrage hydraulique, quand il va céder, l'eau, elle ne va pas faire la différence entre les civils et les combattants. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Et voilà. J'ai une question un peu bête, mais un hôpital militaire, est-ce qu'on peut le cibler ou pas ? Alors, d'une manière générale, et c'est ce qu'il faut retenir, les unités sanitaires, donc qu'elles soient mobiles ou qu'elles soient fixes, comme les hôpitaux, on ne tire pas dessus. C'est interdit. Ils ont un gros logo Croix-Rouge dessus, on ne tire pas dessus. Pour la question de l'hôpital militaire, c'est vrai que ça pourrait sembler un peu plus compliqué, puisqu'a priori, il est rempli de potentiels combattants. Sauf que on a dit qu'on ne tirait pas sur le personnel sanitaire, donc on ne va pas tirer sur un hôpital militaire, sachant qu'il y a des médecins à l'intérieur, même si ce sont des médecins militaires, quand ils sont en train de soigner, on ne les considère pas comme des combattants, parce qu'ils sont en train d'effectuer leur mission de soignant. D'accord. Et si jamais on dit que en fait il n'y a pas de médecin dans cet hôpital, dans mm-hmm. cette bâtisse, on a fait semblant qu'il y ait des médecins pour pouvoir cacher des combattants dedans, est-ce que ça donne le droit de tirer dessus, ou est-ce que le droit international dit à partir du moment où l'autre a déclaré que c'était un hôpital, on ne touche pas ? Non, effectivement, si ce bâtiment est pris d'assaut et occupé par des combattants en état de combattre, parce que si c'était des combattants malades ou blessés, par exemple, la question serait la même que pour les médecins militaires. Si c'est un bâtiment qui a été réquisitionné pour la guerre, pour cacher des combattants, dans ce cas-là, il peut devenir un objectif militaire. Ceci étant, mais j'en parle un petit peu après, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de se cacher dans un hôpital, on n'a pas le droit de se cacher dans une église, dans le but de combattre, je veux dire. Comme c'est des bâtiments qu'on n'est pas censé détruire, qui sont censés être réservés soit à la population civile, soit aux soins comme les hôpitaux, normalement, on ne fait pas la guerre là-dedans. Donc l'objectif de ce principe de distinction, c'est d'une manière générale de respecter le principe d'humanité qui est à l'origine du droit international humanitaire, préservant la population civile et les biens civils des attaques et en leur accordant une protection particulière. Le but, c'est de limiter un peu l'impact du conflit sur ces populations civiles en évitant de leur infliger des dommages qui sont excessifs et inutiles. Mais au-delà de la protection des personnes civiles, le principe de distinction, c'est aussi un point stratégique pour les combattants. Parce que son respect, il va permettre d'identifier rapidement les cibles potentielles pour atteindre l'objectif militaire. Donc je vous ai parlé beaucoup du principe de distinction, parce que c'est le fondement en fait des quatre autres principes dont je vais vous parler rapidement maintenant, qui sont aussi fondamentaux en droit international humanitaire. Le premier d'entre eux, c'est le principe de précaution. Donc, assez bêtement, en fait, le principe de précaution, ça veut dire qu'il faut prendre toutes les précautions possibles pour épargner les civils dans la conduite des hostilités. Donc, quand on prépare une opération militaire, on a des cartes, par exemple, donc on va vérifier qu'à cet endroit-là, déjà, il n'y a pas de bâtiment protégé. Si on doit conduire une opération dans une zone où on sait qu'il y a des civils, parce que c'est une ville et qu'ils vivent là, peut-être qu'on va distribuer des tracts avant l'opération pour les alerter, pour les encourager à partir, pour éviter de les toucher. Donc ça, c'est le principe de précaution. Le principe de proportionnalité ensuite qui est lié, parce que quand on va préparer l'attaque et ensuite quand on va la conduire, s'il subsiste un risque de toucher des civils, même quand on a pris toutes les précautions nécessaires, ce risque il doit être proportionnel à l'objectif militaire espéré. C'est-à-dire. Ça veut dire que quand on est en train de préparer son opération militaire, on attaque en ville. On sait que voilà, il y a quand même toujours un risque qu'il y ait des civils. On a dit on a envoyé des tracts plusieurs heures avant pour que les civils fuient. Malheureusement, il y a quand même toujours le risque qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas vu le tract. Et donc en lançant l'attaque, il y a de fortes chances qu'on tue cette personne-là. C'est pas moi qui vais le faire, mais les armées ont des juristes. Donc c'est le rôle d'estimer si l'attaque qui a été lancée et les dommages qui ont été causés aux civils sont proportionnés aux résultats qu'on a obtenus en lançant cette attaque-là. D'accord. Et donc, on va passer au quatrième principe qui est... Le principe d'interdiction des mots superflus. Oula. Ouais, il est un peu long. En fait, c'est assez simple. Donc, ces mots M-A-U-X, hein, et pas comme des mots qu'on dit. Donc, ce principe-là, c'est pareil, en fait. C'est assez simple et c'est toujours dans cette idée de principe d'humanité. La conduite des hostilités, elle ne doit pas causer de souffrance inutile, et donc que ce soit aux civils ou aux combattants. Donc ça, c'est pareil, ça peut sembler un peu surprenant, mais dans la guerre, si on peut ne pas tuer, si on peut ne pas détruire, eh ben, on ne tue pas et on ne détruit pas. Et le dernier principe, c'est le principe de loyauté. Donc ça rejoint un peu la question que tu posais sur les hôpitaux militaires tout à l'heure. Le principe de loyauté, il signifie que pour protéger les civils, il est interdit de se faire passer pour un civil pour attaquer, ni d'usurper l'emblème de la Croix-Rouge pour attaquer. Bon, se faire passer pour un civil, c'est quelque chose de relativement fréquent. Utiliser l'emblème de la Croix-Rouge, c'est évidemment déjà arrivé par le passé, un peu moins souvent, mais à chaque fois, je sais que c'est très embêtant pour le Comité international de la Croix-Rouge, parce que voilà, c'est une organisation qui est quand même reconnue. On lui permet assez facilement d'intervenir sur le champ de bataille pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui utilise l'emblème pour pouvoir attaquer, ben, finalement, ça met à mal la confiance que les belligérants peuvent avoir en elle. On ne va plus lui autoriser l'accès au champ de bataille ni l'accès aux civils parce que, vous savez, la dernière fois, il y a quelqu'un qui s'était déguisé en Croix-Rouge et qui nous a attaqué. Mais du coup, juste pour revenir sur l'idée de proportionnalité, n'est-ce pas un concept totalement subjectif ? Enfin, on se base sur quoi pour savoir si c'est proportionnel ? Qui est en capacité de le juger ? Alors, effectivement, ça peut sembler totalement subjectif. Ça, malheureusement, je ne peux pas vous en parler trop en détail. Mais par contre, c'est le rôle, en France, par exemple, des commissaires aux armées qui vont avoir à évaluer des opérations militaires. Et à dire, bon, voilà, dans la conduite qui a été menée, est-ce qu'on a respecté ces principes du droit international humanitaire ? Je ne sais pas exactement comment ça se passe, je ne sais pas s'ils ont une grille, s'ils ont des quotas, je ne sais pas du tout. Ça pourrait être l'occasion de demander à un commissaire aux armées pour une prochaine émission, je ne sais pas. Mais, pourquoi pas ? Voilà. Mais ça, et je pense aussi que c'est vraiment... comment dire, propre à chaque armée ou à chaque groupe. Par contre, quand il y a des violations flagrantes, là, ensuite, on peut se retrouver à être jugé internationalement. Voilà. Bon, alors moi, j'ai une autre question. Qu'est-ce qu'on fait des terroristes dans tout ça ? Comment est-ce qu'on définit un terroriste ? D'ailleurs, tu peux nous donner une petite définition ? Oh mon Dieu, la question de la définition du terrorisme. Bon, je vais pas trop vous faire perdre votre temps non plus à parler trop longuement de la définition du terrorisme parce que c'est compliqué. Ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'en France, le code pénal définit des actes comme étant des actes terroristes lorsqu'ils sont commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Voilà, ça c'est au niveau français. Par contre, au niveau international, c'est beaucoup plus compliqué parce que personne n'a été capable de se mettre d'accord sur une définition commune du terrorisme. C'est une question qui est hautement politique. Chaque État entend ce qu'il veut entendre par terrorisme en fonction de son contexte national. Donc, effectivement, environ 200 États à mettre d'accord aux Nations Unies sur cette question-là, c'est un peu compliqué. Raymond Aron, lui, il décrivait le terrorisme comme une action violente dont les effets psychologiques sont hors de proportion avec ses résultats purement physiques. Cette définition, elle a au moins le mérite d'être suffisamment large pour ne pas exclure certains groupes qui pourraient rentrer dans la définition du terrorisme et ne pas limiter non plus la liste de potentielles victimes. Alors, on parlait de droit international juste avant. Comment est-ce qu'on fait pour appliquer le droit international humanitaire si on n'est pas capable de donner une définition du terrorisme à un niveau international ? Alors, le droit international humanitaire, au départ, il est quand même pensé pour la guerre. Au début, il est même pensé pour la guerre entre États. Voilà, il se contentait de ces questions-là. Ensuite, avec les protocoles additionnels de 1977, là, il a commencé à prendre en compte les conflits non étatiques. Et donc là, seulement maintenant, avec l'apparition de guerre au terrorisme, il y a de plus en plus de gens qui commencent à se poser la question de « mais comment on fait pour appliquer le DIH à la situation de guerre au terrorisme ?» Mais pour l'instant, il n'y a pas de règle du DIH qui existe. Et donc, sans même parler de la nouveauté que représentait le fait de faire la guerre contre un groupe terroriste, l'une des questions qui s'est posée en droit international humanitaire, c'était « est-ce qu'un terroriste, c'est un combattant ?» Pourquoi est-ce que ce serait pas un combattant ? Eh ben, parce que ça peut être un civil qui va commettre une infraction de droit commun, mais finalement, si on dit qu'un terroriste c'est un combattant, ça veut dire qu'on est passé dans un état de guerre, on n'est plus dans la paix, et donc c'est à ce moment-là, c'est plus le droit commun qui s'applique, mais le droit international humanitaire. Il semblerait donc que les terroristes soient de fait des combattants, puisque l'application du droit international humanitaire signifie qu'on va avoir des affrontements entre combattants. Et si on s'en tient à la définition stricte du combattant dont on a parlé juste avant, on se rend rapidement compte que les critères ont parfois un peu de mal à être remplis quand même. Pour ce qui est de porter un signe distinctif ou de porter les armes ouvertement, on se rend bien compte que c'est pas toujours évident pour des membres d'organisations terroristes de les respecter. C'est même un avantage souvent pour eux de ne pas les respecter. Par contre, en ce qui concerne le critère de l'unité armée et organisée ou de celui du commandement d'une hiérarchie, ce critère, il est plus facilement rempli. Et donc le dernier critère, vous vous en souvenez peut-être, c'était le respect du droit international humanitaire. Et donc cette question-là, je vous propose de l'aborder peut-être un peu plus loin. Donc voilà, le droit international humanitaire, lui, il dit que les combattants, ce sont ceux qui répondent à ces 5 critères qu'on a évoqués avant. Et il ne fait pas de distinction particulière ensuite, tout le monde est combattant si on respecte les critères. Ça veut juste dire qu'ils sont combattants, donc ils ont le droit de participer aux hostilités. Et d'être fait prisonnier de guerre aussi au passage. Pour certains chercheurs en sciences politiques, ou des professionnels de la défense par contre, la catégorie de combattant, elle va soulever 2 questions supplémentaires, à savoir la régularité et la légalité du combattant. Le droit de participer directement aux hostilités, ça distingue entre les personnes qui combattent en ayant le droit et celles qui vont combattre sans en avoir le droit. La première différence, elle est d'abord factuelle. Il va y avoir des combattants réguliers. Là, ça va être les soldats des armées étatiques. Éventuellement, on peut compter les membres d'entreprises militaires et de sécurité privée quand ils sont affiliés aux armées étatiques, qu'ils travaillent avec eux. Et tous les autres combattants, eux, ils vont être considérés comme irréguliers. Donc, en d'autres termes, cette distinction-là, elle va permettre de faire la différence entre les combattants qui sont issus des armées étatiques, puis affiliés, et puis les combattants qui, eux, sont issus de groupes armés, quels qu'ils soient. Hein. Donc, que ce soit des résistants, que ce soit des rebelles, que ce soit des mouvements de libération, là, on passe dans l'irrégulier. Entre autres choses, l'utilisation de ce terme d'irrégulier, elle a pour conséquence de délégitimer le combattant qui est non issu d'une armée étatique. Et donc, au passage, le groupe non étatique d'une manière générale. Mais ce terme, il trouve également son essence dans ce qu'on a appelé la guerre irrégulière. La guerre irrégulière, ce serait une guerre sans front et sans frontières, pour reprendre les mots de Hervé Couteau-Bégari et d'Olivier Zajec. Et on l'appelle comme ça car elle est dissociée des grandes opérations militaires. Et elle abolit les distinctions juridiques qui existent justement entre civils et militaires et entre paix et guerre. Bon, au-delà de la régularité, y a certains chercheurs donc, et praticiens qui proposent de faire la distinction aussi sur la base de la légalité. Donc là, ça signifierait que certains combattants ne sont pas autorisés à l'être, c'est-à-dire que les actes d'hostilité, donc l'attaque, la capture, la saisie, ne doivent pas être accomplis par n'importe qui, ni contre n'importe qui, mais par des combattants légaux, contre les combattants ou les objectifs militaires adverses. Donc ça, ça implique notamment de pouvoir tuer et être tué par d'autres combattants, de ne pas être poursuivi pour les actes d'hostilité, parce que quand on est combattant, c'est notre métier, en temps de guerre, on a le droit de tuer et d'être tué, et également, donc je vous le disais, de pouvoir être fait prisonnier de guerre. En conséquence, un combattant qui est dit illégal ne serait pas concerné par ces droits-là, le droit d'être tué et le droit de pouvoir tuer. Très bien. Voilà, si on peut considérer qu'être tué, c'est un droit. Donc le statut de combattant illégal, il a surtout été mis en place par l'administration américaine après les attentats du 11 septembre 2001. C'est même le 13 novembre 2001 que George W. Bush, qui était président des États-Unis à cette époque, a adopté un military order qui disposait que tout étranger présumé membre de l'organisation terroriste Al-Qaïda et impliqué dans des actes de terrorisme contre les États-Unis ou leurs citoyens sera détenu à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire des États-Unis et jugé par des commissions militaires selon une procédure propre, différente de celle en vigueur pour les auteurs d'infractions prévues par le droit pénal américain. Donc, juste pour être plus clair, être un combattant illégal, ça veut dire ne pas être protégé par le droit de la guerre, et donc pouvoir être jugé par des tribunaux nationaux, ou voire même être jeté en prison, sans jugement, selon les pays. C'est un petit peu ça. Bon, voilà, encore une fois, en droit international humanitaire, ce statut-là, il n'existe pas. Mais dans la construction qui en a été faite, ben, c'est un petit peu l'idée, hein. C'est un statut qui est à mi-chemin entre le civil et le combattant, et en fait on va prendre un peu les règles qui nous arrangent de chaque côté. Là, cette décision de créer ce statut de combattant illégal, elle a été prise après les attentats du 11 septembre 2001, et dans le cadre du conflit que les États-Unis ont mené en Afghanistan. Donc on parle d'un conflit armé internationalisé, puisqu'on était en Afghanistan, il y avait un conflit non international à l'intérieur de l'Afghanistan. Les États-Unis sont venus s'en mêler du fait du 11 septembre. Donc on parle d'un conflit qui est internationalisé, parce qu'on a à nouveau deux États qui interviennent dans le conflit. Donc dans le cadre d'un conflit comme celui-là, internationalisé, le statut de prisonnier de guerre est censé avoir cours. Donc on l'a dit, les prisonniers de guerre, c'est les combattants. Les combattants quand ils sont capturés évidemment hein, par une partie adverse et aussi surprenant que ça puisse sembler ben, quand on est prisonnier de guerre on a le droit à certaines protections et au respect de nos droits c'est pas très surprenant mais voilà, on ne torture pas les prisonniers de guerre, on les nourrit, on leur donne à boire, à manger, on les habille, voilà. Mais cependant, ce statut, il interdit pas non plus le transfert de prisonniers en dehors du territoire en question, donc là, le territoire afghan. Donc ça voulait dire que des prisonniers de guerre en Afghanistan, eh ben, on avait le droit de les extrader vers les États-Unis, par exemple. Par exemple, vers Guantanamo. Mais Guantanamo n'existe pas. bon, c'est un énorme problème, Guantanamo, au-delà même du droit international humanitaire. Je sais pas exactement qui est là-bas, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le sait. Je sais que la Croix-Rouge peut visiter Guantanamo, donc eux, ils doivent savoir à peu près qui y a dedans. Mais c'est les seuls, avec les Américains, j'espère. Guantanamo, ça respecte très peu de standards internationaux. Je pense qu'il n'y a pas que des combattants ou assimilés combattants qui sont dedans, donc c'est même pas juste une question de droit international humanitaire. Des témoignages qu'on en a, d'une manière générale, tout le droit international des droits de l'homme n'est pas respecté. On l'a dit, hein, prisonnier de guerre, quand on est combattant, donc on a le droit d'être déporté du territoire où on est, donc là le territoire afghan. Et les États-Unis, bon, eux ils n'étaient pas trop décidés à reconnaître le statut de prisonnier de guerre hein, aux membres d'Al-Qaïda, parce que, en tout cas ceux qui étaient soupçonnés d'avoir participé à des actes terroristes, il faut quand même rappeler hein, que ces soupçons, ils ne permettent pas de priver les combattants de leur statut de prisonnier de guerre. Même un combattant dont on soupçonne qu'il n'a pas respecté le droit international humanitaire, ça n'empêche rien, on lui accorde quand même son statut de prisonnier de guerre, on va respecter ses droits, et à la fin du conflit, il y aura une enquête et il y aura potentiellement un jugement. Donc voilà, l'idée, c'était donc de dire, bon bah s'ils sont prisonniers de guerre, on a le droit de les déporter du territoire afghan, et voilà, de les garder chez nous, éventuellement de les juger plus tard pour des actes de terrorisme qu'ils ont commis. Mais l'intérêt aussi qu'il y avait, c'était de se dire que, bon, bah, s'ils sont considérés comme des civils qui ont participé aux hostilités, et donc qui n'y étaient pas autorisés, puisque les civils n'ont pas le droit de le faire, eh ben, on va pouvoir les arrêter tout de suite, et les juger tout de suite pour les actes de terrorisme qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis, avant le déclenchement de la guerre. Sauf que là, quand on est civil, on n'a pas le droit d'être déporté du territoire sur lequel on se trouve, par contre. Donc c'était tout l'intérêt d'avoir ce statut voilà, un peu hybride de combattant illégal pour dire qu'on prend un peu les règles qui nous arrangent de chaque côté. Alors bon, malgré les interdictions hein, que pose le droit international humanitaire, et ben les États-Unis voilà, ont quand même réussi à faire le statut qui les arrangeait, et donc à transférer des personnes accusées d'actes de terrorisme à Guantanamo, et donc on l'a dit, c'est une prison qui ne respecte aucun standard en matière de droits de l'homme, et donc ce pour en raison de leur qualité de combattants illégaux. Donc pour faire simple, en droit, hein, la guerre contre le terrorisme, c'est quelque chose qui est un peu compliqué, si jamais vous ne l'aviez pas encore ressenti. Et en pratique, quand on fait la guerre contre le terrorisme et qu'on doit appliquer ces principes-là, eh ben, c'est tout autant compliqué. Le fait de ne pas pouvoir identifier facilement les combattants, par exemple, d'organisations terroristes, bah, ça rend assez difficile le fait de mener des opérations militaires, tout en respectant ces principes-là, évidemment. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans le film Eye in the Sky de Gavin Hood, par exemple, c'est exactement le problème qui se pose. C'est l'armée qui lutte contre un groupe terroriste. Ils sont en train de préparer leur opération et de savoir quand est-ce que c'est le plus judicieux d'attaquer, parce que y a des civils qui gravitent autour. Bref, y a un risque de les toucher. Est-ce que ça vaut le coup? Et donc ça exprime bien ce problème-là. Le problème qu'on a aussi de plus en plus souvent, c'est que cette guerre contre les groupes terroristes, elle se fait en ville. Et donc par définition, en ville, on a des civils, donc c'est un peu pénible. Et donc voilà, ça représente souvent un très gros inconvénient pour les forces gouvernementales, parce que quand elles sont soucieuses de respecter le droit international humanitaire, nos armées occidentales, par exemple, aussi, on a cette politique du zéro mort qu'on essaye de respecter, et ben, quand on doit combattre en ville, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, parce qu'à la moindre erreur ou à la moindre bavure, on a le risque que la population se retourne contre les forces régulières, enfin les forces étatiques, que donc bah, le rapport aux soldats devienne assez défavorable, et qu'au contraire, les groupes terroristes, eux, ou en tout cas les opposants, eux, gagnent en popularité, d'autant plus qu'ils se trouvent parmi la population civile. Surtout lorsqu'on prend en compte le fait qu'à de très nombreux endroits, il y a des interventions de plusieurs pays extérieurs qui sont mal vues par les populations locales. Tout à fait. Ça a beaucoup été le cas en Afghanistan, hein, par exemple. Voilà, les forces internationales ne sont pas forcément super bien appréciées. D'ailleurs, juste pour faire une petite parenthèse, pour essayer de lutter un peu contre ça, les forces internationales avaient essayé de mettre en place des opérations, alors je ne sais pas exactement comment on les appelle, mais militaro-humanitaires. Donc en fait, c'était de l'aide humanitaire qui était amenée par les militaires des forces internationales pour essayer de gagner un peu les cœurs de la population. Alors, est-ce que ça a bien marché? Voilà, c'est une autre question. Et donc voilà, l'idée de ne pas essayer de ne pas toucher la population civile, mais c'est un peu compliqué, ça risque de donner du crédit aux combattants qu'on considère comme terroristes. Bah, dans le cas de Daesh, par exemple, la question était un peu difficile parce que non seulement les membres combattants de l'organisation, ils sont cachés au sein d'une population civile, hein, des villages qu'ils ont conquis, et qu'ils contrôlent en fait, mais en plus... ce sont souvent des gens qui sont venus avec leur famille ou qui ont fondé des familles là-bas. Bref, ce sont des combattants qui sont entourés de leurs civils, ce qui rend difficile de mener des opérations sans toucher de population civile. Et comment est-ce que les États, ils arrivent à respecter le droit tout en luttant contre les terroristes qui, eux, ne le respectent pas, en fait? Et est-ce que tu penses vraiment que le fait de répondre militairement au terrorisme est la réponse réellement adéquate, surtout quand les populations accueillent plus facilement des fois les groupes terroristes que les groupes réguliers? C'est une question qui est très difficile. Alors effectivement, respecter le droit international humanitaire dans la lutte contre le terrorisme, enfin dans la guerre contre le terrorisme même, c'est quelque chose qui est très difficile. Pour moi, de mon point de vue, c'est quand même quelque chose de très important auquel il faut qu'on s'attache, parce que en France particulièrement, on prétend être le pays des droits de l'homme. On peut pas se permettre de ne pas respecter les droits de l'homme dans les opérations qu'on mène à l'étranger, même contre des personnes qui ont commis des actes atroces. Hein. Et pour ce qui est de, est-ce que la force armée c'est le meilleur moyen pour lutter contre le terrorisme, surtout que des populations vont peut-être parfois mieux accueillir des terroristes, ça c'est pareil, c'est une question vraiment difficile. Des fois on est obligé d'avoir ce genre de moyens, je pense, avoir des moyens militaires à mettre face à des groupes terroristes. Par contre effectivement ça reste très risqué en termes psychologiques. Et c'est un peu différent, mais en Irak, par exemple, Daesh a pu s'implanter assez facilement parce que Daesh était plutôt du côté des sunnites, qui étaient persécutés à ce moment-là en Irak par le gouvernement chiite et donc par les forces militaires aussi gouvernementales. Et donc finalement, c'était assez facile de se dire bah non, mais on va peut-être plutôt aller voir Daesh parce qu'eux, ils nous soutiennent, ils sont comme nous, ils nous apportent de l'eau, ils prennent en compte nos besoins. J'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, le problème quand on parle de terrorisme et de règles dans la guerre, c'est celui de l'ignorance des règles du droit international humanitaire par les groupes armés, qu'ils soient terroristes ou non, mais en particulier ceux qu'on qualifie comme terroristes. Parce que contrairement aux membres des forces armées étatiques, qui eux donc reçoivent des formations en droit des conflits armés, que ce soit par la Croix-Rouge, que ce soit interne ou autre, et qui de ce fait ne peuvent pas ignorer les règles du droit de la guerre, les groupes armés, eux, a priori, ils n'ont pas forcément connaissance de ce droit. Alors il faut quand même souligner que ça tend à être de moins en moins vrai, parce qu'il y a une organisation que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Geneva Call, l'appel de Genève. Donc c'est une organisation non gouvernementale, suisse, et qui travaille en fait avec les groupes armés non étatiques dans le but de les encourager à respecter les règles du droit international humanitaire. Et donc pour cela, elle procure aux groupes armés des formations en droit international humanitaire, des conseils pour pouvoir incorporer ces règles dans leur organisation. Il est assez intéressant de constater que cette organisation, elle travaille avec des groupes qu'on va considérer comme terroristes. Elle travaille par exemple avec le Hezbollah, avec le PKK en Turquie, ou encore avec certaines factions de l'armée syrienne libre, que Bachar al-Assad considère comme étant terroriste. Voilà, au regard de ce partenariat qui existe entre Geneva Call et certains groupes non étatiques, il semblerait que tous les groupes terroristes ne soient pas fondamentalement opposés au respect des règles du DIH. Il y en a même qui acceptent de se les voir appliquer. Dans ce cas-là, il apparaît que c'est plutôt une méconnaissance de ces règles qui entraîne leur non-respect, plutôt qu'une opposition vraiment farouche aux règles du droit international humanitaire. C'est vraiment très intéressant comme analyse, ça. Mais après, comme tu l'as évoqué, certains de ces groupes sont considérés comme terroristes par d'autres. Donc il y a aussi une grande partie de politique dans l'histoire, c'est-à-dire de qui on peut considérer comme terroriste ou pas. C'est exactement ça. C'est politique. C'est d'ailleurs pour ça que, pour l'instant, en droit international, on n'a pas de définition commune du terrorisme, parce que, je le disais tout à l'heure, les États entendent ce qu'ils ont envie d'entendre en fonction de leur contexte national par terrorisme. Et donc effectivement, le PKK, il est considéré comme terroriste par la Turquie. C'est pas forcément le cas par d'autres États qui vont peut-être soutenir ou en tout cas pas forcément être contre les actions du PKK. Mais alors, je veux revenir moi sur un point, le Geneva Call. Est-ce que ils ont pas des problèmes avec la communauté internationale ou alors quelques pays en particulier pour être si proches des combattants irréguliers voire des terroristes? Enfin, comment est-ce qu'ils font pour gagner la confiance du Hezbollah par exemple tout en étant respectée par la communauté internationale ou les autres pays. Comment est-ce qu'ils se positionnent ? Alors, vis-à-vis de la communauté internationale et des États, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Par contre, je sais que Geneva Cole travaille beaucoup avec le Comité international de la Croix-Rouge, qui, lui, pour le coup, est reconnu par tous les États. Voilà. Donc, je pense que ce travail en commun peut-être aide à le faire accepter sur la scène internationale. Mais évidemment, je pense que quand il s'agit d'avoir des autorisations pour aller sur un territoire travailler avec un groupe armé, ça doit être un petit peu compliqué de les obtenir. Et pour ce qui est du rapport avec les groupes armés, c'est vrai que ça peut sembler totalement aberrant, en fait, de se dire « oui, tiens, on va aller les voir et leur proposer nos services pour leur enseigner des règles du droit international humanitaire ». Et en fait, quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, c'est que très souvent, ces groupes armés, ils sont dans une lutte armée parce qu'ils envisagent de prendre le pouvoir plus tard. Donc, de devenir un État, d'être au gouvernement, et donc d'avoir une certaine légitimité. Je crois que Geneva Cole a travaillé avec eux. C'était le cas des FARC, par exemple, en Colombie. Même si on n'en a pas forcément conscience, et je pense que c'était peut-être pas toutes les factions des FARC. Je connais pas précisément cette situation, mais au moins certaines factions ont fait l'effort de respecter le droit international humanitaire dans l'idée qu'un jour, ils seraient peut-être en mesure quand même de participer à des élections ou d'arriver au pouvoir. Et pour ça, il faut quand même pouvoir mettre en avant que, autant au niveau national qu'au niveau international, ils sont en mesure de respecter des règles, de faire ça proprement, entre guillemets. Voilà, c'est important pour eux, en fait, pour la suite. Alors, on parlait tout à l'heure des terroristes qui visent directement des civils, mais qu'est-ce qu'il en est de ceux qui visent pas physiquement des civils et qui visent des militaires ? Effectivement, il y a certains chercheurs comme Virginia Held, qui, eux, expliquent que considérer que le terrorisme n'inclut que des actes qui sont intentionnellement dirigés contre des non-combattants, ça exclut de la définition des actes qui vont viser des militaires, mais qui peut-être avait pour but de terroriser quand même. Donc Virginia Held, elle prend l'exemple d'une attaque qui a eu lieu en octobre 1983 au Liban. Cette attaque, elle était dirigée contre des installations américaines qui étaient présentes au Liban dans le cadre de la FINUL. Et cette attaque, elle a visé spécifiquement les installations américaines, pas des civils. C'était vraiment ça. Pourtant, c'était aussi considéré comme une attaque terroriste. Donc voilà, finalement, peut-être que même en respectant les principes du droit international humanitaire, on peut être considéré comme terroriste. C'est une question à trancher. Je vais tâcher de faire de mon mieux pour vous apporter une réponse dans quelques années. Donc en fait, on revient à la question de la définition du terrorisme, qui en fait est un problème récurrent. Est-ce qu'il y a des initiatives ou des espèces de dynamiques en marche pour trouver une définition commune au terrorisme ? Est-ce que, par exemple, l'Union européenne a une définition commune déjà pour commencer ? Oui, l'Union européenne a une définition commune du terrorisme. Alors, je serais incapable de te dire là tout de suite dans quel document on s'est mis d'accord là-dessus, mais l'Union européenne a effectivement une définition à elle du terrorisme et sur laquelle les États de l'Union se sont mis d'accord. Bon voilà, j'en ai un petit peu fini avec mes principes de distinction, mais qui est un combattant, est-ce qu'un terroriste est un combattant ? Alors oui, c'était un petit peu hard, j'espère que vous nous suivez toujours, le droit ça peut être un petit peu compliqué, ça mais il faut bien vrai. Comprendre que c'est au cœur des problématiques actuelles, parce qu'on en a déjà vaguement parlé de Daesh, enfin même un peu plus que vaguement, mais c'est quand même la grande question quand on pense au terrorisme aujourd'hui. Tout à fait. La guerre contre le terrorisme, c'est vrai que c'est plus très nouveau pour nous, hein. On en a parlé au moment du 11 septembre 2001, on en a parlé à nouveau quand il y a eu les premières attaques revendiquées par Daesh, où le gouvernement français de l'époque s'est dit en guerre contre le terrorisme, ça avait le mérite d'être clair. Peut-être pour conclure, je voulais revenir sur un petit point d'actualité, mais pas trop longtemps parce que vous l'aviez déjà évoqué dans l'émission précédente. À la mi-décembre 2018, Donald Trump avait annoncé le retrait militaire américain de Syrie parce que selon lui, l'organisation Daesh était vaincue. Alors, bon, je voulais juste apporter deux précisions parce qu'il y a eu un peu d'actualité sur ce point-là. D'abord, le Sénat américain l'a approuvé tout début février, un amendement qui allait plutôt dans le sens contraire de la déclaration de Donald Trump et qui estimait, lui, qu'un retrait anticipé des États-Unis, eh ben, ça pourrait mettre en danger les progrès qui sont obtenus dans la lutte contre Daesh. Mais aussi porter atteinte à la sécurité nationale des États-Unis. Pour compléter cet amendement, moi j'aimerais signaler que quand même hein, la plupart des spécialistes sur la question du terrorisme et de Daesh en particulier mettent en avant le fait qu'il ne faut pas se réjouir trop tôt, pardon, parce que bon, Daesh a perdu du terrain en Irak et en Syrie, ça c'est incontestable. Il a perdu tout ou partie de son emprise territoriale. Ce qui est bien, mais par contre, il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a toujours des membres de Daesh qui sont en liberté, qui sont sur le territoire de l'Irak ou de la Syrie, ou alors qui sont partis vers d'autres théâtres de guerre comme l'Afghanistan, par exemple. Bref, Daesh, c'est pas fini. À mon avis, on va le retrouver sous une autre forme. Peut-être pas avec cette idée d'État qu'il nous présentait au départ. N'empêche qu'à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler. Oui, on n'a pas fini d'en entendre parler, bah, pour une simple et bonne raison, c'est que Daesh, avant d'être des hommes, avant d'être des gens avec des armes, c'est une idée, c'est une idéologie, c'est une volonté de créer un monde nouveau, et une idée, ben, ça se tue pas comme ça. J'ai envie de dire, et ça a l'air très très violent dit comme ça, mais tant qu'il y a quelqu'un pour apprécier l'idée, l'idée ne meurt jamais. Enfin, contrairement à ce qu'a prétendu Donald Trump, Daesh est vaincu alors qu'ils sont toujours présents et qu'ils se servent toujours de populations civiles comme leur bouclier dans leur dernier bastion. Mmh. En plus de ça, il y a la grande question qui se pose en ce moment et qui est partout dans les actualités, c'est le retour des djihadistes ou des femmes de terroristes avec leurs enfants notamment, des enfants qui sont nés sur les territoires syriens ou irakiens ou bien qui ont été élevés dans plusieurs années dans ce milieu-là. Qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'on a bien vu que la question de la déradicalisation, ça marche pas très bien, et c'est un euphémisme de dire ça. De plus, il y a quand même de fortes chances pour que les gens qui soient de retour et qui aient pris part active au combat, ou même par passive, juste en étant là, soient condamnés à des années de prison. Et on sait que la prison est un des lieux dans lesquels les gens se radicalisent le plus. Daesh, c'est pas fini avec toutes ces questions-là, en fait. Et il faudrait y répondre, mais... comme ça fait déjà très très longtemps qu'on parle, et que vous donnez ça aussi, au revoir. C'est un euphémisme. C'est ça. Et que vous devez en avoir un petit peu marre, on va vous laisser là pour aujourd'hui. Par contre, on va te réinviter, Aurore, pour un prochain grand dossier, mais spécifiquement sur les questions de Daesh et peut-être sur les questions du retour de ces combattants, non-combattants, mais toujours à définir. Qu'on fait d'eux, comment est-ce qu'on les juge et comment est-ce qu'on gère l'idéologie qui revient dans les pays occidentaux. Grand plaisir. Et avant de vous quitter, j'en profite pour vous faire passer un petit message. Comme vous avez pu remarquer, Aurore est notre deuxième invitée pour le grand dossier. Et c'est le format que nous allons garder. Donc si vous êtes spécialiste d'un sujet qui pourrait faire l'objet d'un de ces dossiers, dans n'importe quel domaine qui soit en rapport avec les relations internationales ou la défense, n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook, Twitter ou par mail. Donc, n'hésitez pas. On se retrouve le mois prochain pour notre cinquième épisode de Léviathan, qui portera sur un sujet totalement différent en rapport avec nos voisins anglais.